بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، من بعد. طيب، سنأخذ الدرس حول الأسماء الخمسة. طيب، لبيل ممتع لا لبا Je préfère comprendre directement sur le livre, comme ça au moins. Parce que là, dans le livre de Médine, c'est un peu réparti. Taïb, bismillah, naqra. Al-Mumta' al-Fishrah al-Ajrumiyya, page 33. Taïb. Al-Asma al-Khamsa. Taïb. Ta'rif wa hiya abun wa akhun wa hamun wa fu wa du. طيب الاب معروف ها لو بير كل مود ليفر طيب والاخ معروف وحمون يدي سي لي بروش دو دو ماري طيب الحمو سو ساك البروفيسور يدي والحمو الموت ها كون لا دوموندي او بروفيت صلى الله عليه وسلم اسكو سا دير لو بروش دو ماري بو ايت سول اويك لا فام سير دو ليبوز يا دي والحمو الموت يعني ميم سا سي دانجورو Tu vois, Wafu, c'est la bouche, Wadou, on l'a vu, Bimana, posséder. Taïb, Hukmuha, c'est-à-dire comment on va utiliser l'asma al-khamsa au niveau de l'arabe. Turfa bilwaw, wa tunsa bil alif, wa tujar bil ya. Taïb, fal asma al-khamsa ida kanat marfoua, ça yakun alamat al-raf bilwaw. Taïb, wa ida alamat al-nas bil alif, wa tujar bil ya. مفهوم هذا فهي تعرب بالواو رفعا قوله طيب قول الله تعالى قال ابوهم مفهوم قال فعل ماضي ابوهم تجي كوا فاعل وهو مضاف وهم مضاف اليه وعلامه الرفع هي ما هي الواو مفهوم وقوله قال لهم اخوهم طيب وقوله ينفق ذو ساعه يسي ذو طيب وإيه الإكزامبل دافون أخوهم تلموندي طيب وتعرب بالأليف نصبا طيب نحو قوله تعالى جاءوا أباهم طيب أباهم إيسي لكواي منصوب بالأليف ونحفظ أخانا بالأليف طيب وآت ذا قرب حقه ذا بالالف وتعرب بالياء جرا طيب قوله تعالى رجعوا الى ابيهم رياضي بالياء ها سنشد عضدك باخيك وقوله ولذي القربى باخيك رياضي بالياء ولذي بالياء طيب tout ça sont des exemples Comment l'asma al-khamsa, il est marfou', il est mansoub, il est majrour. Et là, on va voir quoi ? Les conditions, comment utiliser l'asma al-khamsa, quand est-ce on peut lui mettre le waw, quand est-ce on peut lui mettre le alif, et quand est-ce on peut lui mettre le ya. Taïb, shurut asma al-khamsa. Il dit premièrement, barakallahu fikoum, antakuna mudaf. Taïb, l'asma al-khamsa, il faut qu'elle soit mudaf. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'idafa, abu, akhu, hamu, wadhu, Wafu, tu ne pourras pas faire apparaître le waw, ni l'alif, ni le ya. Mais fond, regardez bien. Fa'in lam tudaf, u'aribat bi harakat zahira. Mais fond, ja'a aboun. Ici, tu ne dis pas ja'a abu. Limada, now, il n'y a pas de idafa. Aboun, un père est venu. Mais fond, ra'itu aban. Mais fond, Également, salamtu ala abin. J'ai salué un père. C'est-à-dire qu'ici, on a remis quoi ? Les terminaisons de base qui sont quoi ? La damma, la fatha et la kasra. C'est compris ? Ça, c'est une des premières conditions. Si tu veux faire apparaître le waw ou l'alif ou le ya, tu seras obligé de faire quoi ? L'idafa. Et après, on verra plus tard, pas n'importe quel idafa. La première condition, il faut qu'il soit mudaf. Inch'Allah, c'est compris jusqu'ici hein? أن تكون مفرد. ما معنى مفرد؟ C'est-à-dire singulier. Il faut que le mot ab, akh, la femme, c'est-à-dire fou ici, il faut qu'il soit mufrad, c'est-à-dire singulier. Il ne faut pas que ce soit un duel ou un pluriel. Par exemple, si tu dis le pluriel de frère, ce sera quoi? Ikhwatun. Jaa ikhwatuka, par exemple, tes frères. Ici, c'est une dama ou un waw qui va apparaître? Hein? Une dama. Pourtant, c'est un mudaf. Mais comme il a été au pluriel, dans ce cas-là, on a fait apparaître quoi? Vous avez compris, les frères? Tout le monde a compris ça? Abdelmajid? Mohamed? Vous avez compris? Taïb. Fa'in, thunniyat, ou jumi'at, ou aribat, i'arab al-muthanna, ou al-jam'a. Taïb, il te dit, barakallahu fik, si le mot, là, un des cinq mots, il est, barakallahu fik, au duel ou au pluriel, tu lui mettras quoi? Les harakat, que le duel et le quoi? Je suis avec un train, c'est pas le livre. T'as vu, Inch'Allah, tu lui mettras les harakat qu'il a besoin. Par exemple, tu dis Ja'a al-Aba. Ici, pourquoi? Il est au pluriel, Aba. T'as pas dit Ja'a al-Aboun, Hakada. Mais faut. Et dans ce cas-là, tu feras apparaître quoi? La harakat qu'elle mérite. Parce qu'ici, c'est quoi? Jam' al-Taksir. Il est pas au singulier. Mufumada, tout le monde a compris? Ra'aytu al-aba, salamtu ala al-aba. Ici, vous a donné un exemple de quoi? De pluriel. Hein? Mais si, par exemple, j'aurais dit, ça aurait été au duel, j'aurais dit quoi? Ja'a quoi? Abawa kuma. Hein? Deux pères. Mufum? Ici, il est quoi? Marfou bimada? Bil alif. Abawa kuma. C'est-à-dire deux pères. Je parle à Abdullah et à Mohamed. Hein? J'ai vu, ça y est, je vous dis quoi? Vos deux pères sont venus. Vous avez compris là? Hein, si je dis Raïto, ah bah ouais, Kima. Mais Fumada? Pourquoi? Parce que c'est au duel. Mais si c'était au singulier, il n'y a pas de mal de lui mettre un mot pluriel. Par exemple, j'ai un groupe de frères, des vrais frères, je dis quoi? Dja Abu Aboukum. Là, j'ai fait apparaître quoi? El waouh! Si c'est le père de deux frères, Aboukuma. Mais faut? Vous comprenez, Inch'Allah? Regardez bien, si le mot ab, ou akh, il est au singulier, al-mudaf, il n'y a pas de mal qu'il soit au pluriel ou au duel. Dia aboukoum, un groupe de frères, leur père est arrivé. Ou deux frères, aboukouma, il n'y a pas de mal, le waw il apparaît. Mais si c'est, par exemple, un groupe de pères qui vient pour un groupe de frères, dia aboukoum, me foum, c'est compris ça? Et si c'est deux pères pour deux frères? Ja, abawa, kuma. Il faut mal. Également, le mot d'affilé, il n'y a pas de mal qu'il soit au féminin. Ja, abouki. Là, on fait apparaître le waw. Ja, abou, kuma. Si c'est deux pères pour deux sœurs. Abou, kuma, je veux dire un père pour deux sœurs. Ou abou, kuna. Le père de plusieurs sœurs. Qui n'a pas compris? Je répète. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on ne fait pas apparaître le waw alors? C'est quand le mot d'affilé est au pluriel ou au duel, ou c'est quand c'est le mot père il est au duel ou au pluriel? C'est quand le mot père. Ahsanto. Mais vous avez bien compris. Si le mot père ou frère est au pluriel ou au duel, on fait quoi? On lui donne sa terminaison qu'il mérite. Hein? Le jam' al-taksir, il est marfou' bimada. Ça c'est par cœur maintenant. Bidamma. Hein? Waladun, awladun. Hein? Abun, aba. Et le duel, il est marfou bimada. Bil alif. Hein, on dit quoi? Abawa. Abawan. Et si je mets un zamir, abawaka. Tout le monde a compris, Inch'Allah? C'est ça qui veut te dire, barakallahu fik, antakoun mufrad. Le duel de depuis tout à l'heure, je le dis. Normalement, c'est aban. Comment aban? Non, Abawan. Abawan, on l'a fait ça il y a deux jours. Abawan, ça veut dire le père. Tu vois, ça veut dire ici, on a le fait de dire Abawan, ça veut dire le père. Si maintenant on l'utilise comme ça, il est Moulhaq. C'est à dire le père ou la mère. Tu vois, Aboun, Aban. Allah Alam. Regardez, tu vois. Abawan, ça se dit pas Aban. Parce que à la base, c'est le waouh qui apparaît. Abawan. T'as vu? Antakuna Mukabbar. Il te dit également, le Asma al-Khamsa, même un Mukabbar, barakallahu fikum, il faut pas qu'il soit au diminutif. Je vais vous expliquer ça. Par exemple, on dit un chien. C'est quoi un petit chien? Un chiot. Le faume, c'est-à-dire il y a plus petit. Vous avez compris ça? C'est ça le diminutif. Et dans la langue arabe, il y a ça. Par exemple, tu dis Jabaloun, Jubeiloun. Par exemple, tu dis quoi? Abdallah, qu'est-ce qu'on dit? Ubaydallah. Hada ma'ana tasghir. C'est le diminutif de la chose. Le faume, Omar, on dit Omer. Taïb, Jabaloun, Jubeiloun. Il y a quoi également? Kalboun, on dit Kuleib. Taliboun, Tuleib, ila akhir. Dans ce cas-là, tu lui feras apparaître quoi? Une damma. C'est-à-dire, si tu viens utiliser le diminutif, c'est-à-dire le tasrir, tu ne pourras pas faire apparaître le waou. Me fous? Aboun, on dit quoi? Obey. Hein? Un des lecteurs du Coran, il s'appelait Obey ibn Ka'b, radiallahu anhu. Vous connaissez ce sahabi? Hein? Obey ibn Ka'b. Me fous, madame? Également, il y avait Umair. C'est compris? Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Aboun. Aboun, barakallahu fik, si tu viens avec la forme diminutive, tu diras quoi? Obey. Dans ce cas-là, c'est une dama qui va apparaître. Vous avez compris, Mana? Mukabbar? Ah, ça. Non. Si Tosker, c'est une dama? Ouais, c'est-à-dire, alaykoum salam. C'est une dama qui va apparaître. Tu vois, c'est pour ça, mettons en français au cas où vous êtes obligé, ne pas mettre le diminutif. T'as vu? Et si tu veux cet exemple-là, par exemple, chien, un chiot. T'as vu? Faut pas que vous oubliez. Ça, on va le faire dans le 3, Inch'Allah. At-tasghir. Même dans le 2, je crois, bientôt là. T'as vu? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Hein? Alors, il dit quoi? Fa'in surghirat. C'est-à-dire, si tu lui ramènes son diminutif, tu diras quoi? Obey. Dia obeika. Tu ne diras pas dia abouka. Hein? Dia obeika. Le fou mahada? T'as compris, Mohamed? Non. Bien. Non. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'y a pas de mal. Hein? Comme ça là. Qui n'a pas compris? Décalé. Hein? C'est compris? Taïb. C'est compris? Akhoun, le diminutif c'est Okhei. Le fou? Et après ça, Inch'Allah, on verra pourquoi on utilise cette forme là. Hein? De temps en temps, c'est la mahabba. Hein? Okhei. Ah, parce que tu t'aimes bien le frère, ou obéi. Ou sinon, ça peut être par mépris. Il faut. Ou alaysa bit hatta bi tolaybi'im. Il faut. C'est-à-dire, c'est même pas un tolaybi'im avant de dire que c'est tolayb, c'est-à-dire un petit. Il faut, madame. Il s'en le verra, Inch'Allah. Ou alibat bi harakat zahira. Vous avez compris? Si je dis par exemple, ja obéi ka, ce sera quoi? Un wa ou une dhamma? Une dhamma. هذا معناه بحركات ظاهرة. سيدير سيسرا لحركات دو باز. جاء أخيك. Vous avez vu? Hein? Répondez les frères comme ça j'avance. طيب. Bon, c'est pour vous hein. رأيت أخيك. سلمت على أخيك. مفهوم إن شاء الله? C'est-à-dire si quelqu'un te dit ici pourquoi le waou il apparaît pas ou l'alif ou l'ya, on dirait quoi? Pourtant regardez, il est modaf. Et pourtant, il est singulier. On a déjà les deux premières conditions. Il est mudaf et il est au singulier. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est qu'il est musarrar, c'est-à-dire quoi? Normalement, il devait être mukabbar. C'est-à-dire sous la forme de base. Alors qu'ici, il est quoi? Au diminutif. Mais foum, Inch'Allah? Taïb. Et la quatrième condition, barakallahu fi, qui te dit, il faut que l'idafa, antakun l'idafa, il a rare liya, al-mutakallim. Parce que si je dis mon père, il est venu, j'irai quoi? Dja abi. Dia akhi, hada fami. Vous avez compris ça? C'est bien compris? Dans ce cas-là, tu ne peux pas faire apparaître le waou. Me faut madame? Alors, regardez bien, il faut qu'il soit mudaf, sauf quoi? Ghair liya al mutakallim. C'est on a quatre conditions. An yakun, on a dit quoi? Mudaf. An yakun mada? Mufrad. C'est-à-dire, vous comprenez ça? Quand on dira mudaf, parce que certains, ils ont mis 4 conditions et certains, ils mettent 3. Pourquoi ils te... Parce qu'il te dit directement, Mudaf, il a le ghair liya al-mutakallim. C'est-à-dire, en vérité, on aurait pu mettre le 1 et le 4 en même temps. Vous comprenez ça? C'est pour ça, si vous trouvez certains livres, ils vous mettent Talatha Shurut, il n'y a pas de mal. Vous avez compris? Parce qu'automatiquement, si tu mets An yakuna Mudaf, il a le ghair liya al-mutakallim, tu as tout compris direct. Vous avez compris là, Inch'Allah ? Alors, il faut qu'il soit mudaf. Il a ghair liya al-mutakallim. An yakun mufrad. Al-mufrad, mada kharaja ? Al-muthanna wa al-jam'a. Ou an yakun mukabbar, c'est-à-dire quoi ? Al-taskhir, c'est-à-dire le diminutif. Mufhoum ? Et ces quatre conditions-là, c'est pour les cinq mots que vous avez devant vous. Pourquoi j'ai dit ça ? Car on va voir après, dhu et fou, ils ont des conditions que les cinq et que les trois autres n'ont pas besoin. C'est-à-dire les quatre conditions là, vous mettez quoi ? Concernent les cinq mots. Vous avez compris ce que je viens de dire là ? Les quatre conditions qu'on vient de dire là. Ça concerne aboun, akhoun, hamoun, fou ou adou. Abdelmajid, c'est compris ? Bien. Ça veut dire là, tout ce qu'on vient de voir, les cinq mots sont concernés par ces quatre conditions là. Me faut, Inch'Allah ? Qui n'a pas compris ? Je répète. Othman, c'est compris ? Tout le monde a bien compris, Inch'Allah ? Taïb. Maintenant, il nous reste quoi, Barakallahu fikoum ? Regardez bien. Prenez. Alaykoum salam. Fawaid wa tanbihat. Al-hashiya, c'est-à-dire quoi ? Comment on appelle al-hashiya ? La marge. Hein, en bas, regardez bien. Grand 2, c'est-à-dire petit 2 en bas. Vous y êtes ? Fou, entre parenthèses. Tout le monde y est ? Hein ? Viens, mets-toi là-dessus. Non, selon... Tu vois bien ? Oui, non. Comme il y a assez de livres, mashallah, alhamdoulilah. Fou, il te dit quoi ? Ou al-fam ? Le fou ? C'est pas le fou, hein ? Le fou, madame ? Fou, c'est al-fam. T'as Regardez bien, il te dit, si tu veux faire cette règle-là, barakallahu fik, hada fouka. C'est-à-dire, si tu veux faire apparaître le waouh, il ne faut pas que tu lui mettes le mime. Parce que si tu lui mets le mime, tu diras quoi ? Hada famuka. Me font mada ? C'est-à-dire, si tu veux lui mettre le mime, tu diras quoi ? Hada famuka. Fam, mime et kaf. Amma idha arata idhar al waouh. Pour que ça fasse mille asmal khamsa, hada fouka. Hein? Arsil faka. Vous imsah fi fika. Vous avez compris là? C'est-à-dire, si tu veux faire apparaître barakallahu fik, c'est-à-dire un des signes de l'asmal khamsa sur fou, il faut qu'il soit quoi? Que tu lui enlèves le mime. Mais si tu fais apparaître le mime, tu diras quoi? Hada famun. Vous vous mada? Raitu faman. Nadartu ila famin. Et si tu veux lui mettre même un modaf, mais le fait qu'il y a le mime, ça a fait quoi ? Ça a enlevé toutes les dernières conditions. Regardez, il sera singulier. Mukabbar et modaf, mais le fait que j'ai fait apparaître le mime, il y aura une, c'est-à-dire le signe de base. Par exemple, je dis quoi ? Hada famuka, ra'aitu famaka. Alors par exemple, je dis quoi ? Comment on peut dire ? Iftah famaka. Le fond ? Après, tu veux dire quoi ? Nadartu ila famika. Qu'est-ce que tu veux dire, Mohamed ? C'est le même sens ? Oui, bien sûr. Ouais. Ça veut dire, les deux, ça veut dire la bouche. Mais, après, au niveau du parler et de la dictée, c'est-à-dire si tu as écrit quelque chose, ça, c'est pas, ce sera une erreur. Au fond, famouka. Là, parce que le fait qu'il y a le mime, tu n'as plus à mettre famouka. Hein, famaka. Là, khata. Au fond, madame, Inch'Allah ? Taï. On l'y a. Regardez bien ce qu'il dit. Fouka nadif. Vous avez compris ? Fouka nadifun. Ici, on a fait apparaître. El waouh, limada. Parce qu'il n'y a pas le mime. Hein ? Nadif, faka. Nettoie ta bouche. Nadartu ila fika. Me foum ? On prend les mêmes exemples en mettant le mime. Qu'est-ce qu'on dira à Mohamed ? Fouka nadif. Là. Famuka nadif. Famuka. Famuka nadifun. Tout le monde dit Inch'Allah. Andeki Ayman, le deuxième. Nadif famaka. Famaka. Vous avez compris là ? Abdelmajid, le dernier. Nadartu ila famika. Très bien, Mashallah. Ah, si vous voulez l'écrire après chez vous, vous laissez les mêmes exemples et en dessous, vous lui mettez quoi ? Vous faites apparaître le mime et vous lui mettez sa terminaison qui est quoi de base ? Ce sera quoi alors ? Marfoua bimada. Dhamma, mansoub bi fatha, majrour bi al-kasra. مفهوم ان شاء الله. طيب on avance ذو. طيب après il te dit يشترط ان تكون بمعنى صاحب. Ça, on l'a étudié hein, depuis le début. Hein? Par exemple, tu dis, par exemple, هذا ذو علم أو ذو خلق. مفهوم؟ معنى posséder. T'as pourquoi? Parce que vous verrez plus tard qu'il y a معنى ذو بمعنى الموصول. Hein? C'est comme الذي. Celui-là, il sera مبني. T'as, je ne sais pas s'il n'en pas. Vous avez compris là? بمعنى صاحب. Hein? Tu dis, par exemple, جاء رجل ذو علم. Vous avez compris ça? Mais si tu dis par exemple ذو التي بمعنى الموصول, tu dis par exemple جاء ذو قامة. C'est comme si on disait quoi? جاء الذي قامة. رأيت ذو قامة. Elle est مبني. رأيت الذي قامة. مررت بذو قامة. مررت بالذي قامة. Dans ce cas-là ici c'est quoi? الموصول. Vous avez compris, c'est pour ça qu'il vous dit ذو بمعنى صاحب. Et vous, quand vous allez étudier, inshallah, même quand vous lisez, si tu vois des remarques comme ça, sache qu'il y a d'autres, c'est-à-dire peut-être la même chose, mais il a une autre signification. Regardez, par exemple, le fait de lire comme ça. يشترط أن تكون بمعنى صاحب. Qu'est-ce qu'on comprend directement? Qu'il y a un ذو qui est autre que quoi? معنى صاحب. Vous avez compris ça? C'est-à-dire même toi, Inch'Allah, maintenant, si tu lis tout seul, tu veux t'approfondir, si tu vois des remarques comme ça, tu te dis, eh bien, dans ce cas-là, il y a un ذو غير معنى صاحب. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est, vous avez compris ça? Ça va t'aider dans beaucoup de choses. T'as après, il te dit, وَتُضَافِ إِلَىٰ إِسْمِ ظَاهِرٍ غَيْرْ وَصْفٍ. T'as il te dit, il ne faut pas que tu sois le mot ضاف. Il ne faut pas qu'il soit d'un ma'ana al-wasf, une description. Il ne faut pas que tu dis par exemple d'où alim. L'anou alim, wasf. C'est faux ça. Il faut que tu lui ramènes le ism qui sera quoi? D'où ilmin. Ah, le deuxième, vous avez quoi? D'ouka. Également, d'ouka, c'est quoi? C'est un damir. Mais faut, c'est pour ça qu'il faut lui ramener quoi? Ism d'aïr. D'où ilmin, d'où khuluqin, d'où lihyatin ila akhir. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Hein, il faut pas que tu ramènes une description. Barakallahu fik. Après on lit, là il te dit le petit 4. Al kalimatu allati taqa' ba'd al asma al khamsa. Tout le monde dit tu'rab mudafan ilay da'iman. Vous avez compris ça inchallah? C'est-à-dire tout ce qui viendra après le mudaf, c'est-à-dire afwan, tout ce qui viendra après al asma al khamsa, ce sera quoi? Mudaf ilay. Ja abuka. Abuka fa'il. Mafhoum? Wa abu مضاف والكاف مضاف إليه. C'est compris ça? C'est ça qu'il veut dire. جاء رجل ذو علم ذو مضاف علم مضاف إليه. Et on avait dit quoi également barakallahu fikoum? On avait dit que ذو il est toujours quoi? مضاف. On avait amené cette faïda. Pourquoi on ne dira pas ça pour les autres? Est-ce que أب il est toujours مضاف? Non. جاء أبون. Mais ذو on avait dit, on avait amené quoi? Une chose bien précise, que ذو, il faut qu'il soit toujours مضاف. جاء ذو. Même معنى هذا. رأيت ذا. Vous avez compris? أما أبون, فم, أخون, il peut être utilisé sans quoi? Sans être un مضاف. هذا أخون. مبتدا خبر. جاء أخون. فعل وفعل. مفهوم؟ لي أخون. لي أبون. إلى آخر. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Après, il te dit, barakallahu fik, مضاف إليه دائما, سواء كانت اسما ظاهرا, أبي بكر. طيب, أم ضميرا, أبيك. Vous avez compris? C'est-à-dire, dans les deux cas, il est quoi, مضاف? مررت بأبي بكر. Le مضاف إليه, c'est quoi ici? C'est un اسم, بكر. Mais vous connaissez ce Abu Bakr? Ou, il te dit, ضمير, مررت بأبيك. Le كاف, il est quoi? Mudafili. Mais Foum, Inch'Allah, tout le monde a compris ces chouroutes? Qui a une question? Adi? Non, on va avancer. C'est-à-dire, si c'est bien. Ça va, c'est juste. Voilà, c'est pour ça. Tu vois? Si c'est bien compris, Alhamdulillah. Comme ça, on fait les exercices. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Alors, c'est pas que j'ai pas envie de répéter, mais si c'est compris, il vaut mieux gagner du temps, alhamdoulilah. En plus, c'est enregistré. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, Mahdi ? Voilà. Qui a quelque chose que tu n'as pas compris, une chose ? Hein ? Taïb, bismillah, les frères. On revient au livre de Médine. Exercice grand 5 de la leçon 25. Imla al-amakin al-khaliya bi-ab. Taïb, Inch'Allah. Mohamed, tu diras quoi là ? Aba ana, tazirun kabirun. Regarde bien, aba ana, comment ? Pourquoi tu lui mets alif ? Abuna. Abuna. Hein ? Abuna, tazirun kabir. Taïb, Inch'Allah. Abuna, ici il est moubtada. Hein ? Moudaf, moudaf, il est. Tazirun khabar kabir, sifa. Il faut, Inch'Allah. Ici, pourquoi tu as fait apparaître le waou ? Hein ? Regarde, il va répéter là. Est-ce qu'il a toutes les conditions ? Non. Vas-y, dis-le. Première condition, il était quoi là ? Moudaf. Moudaf. Après ? Moufrad. Moufrad, c'est-à-dire Abou. Tu n'as pas dit Abba ou Abawan. Après, il en reste encore deux. Moutakabber. Pas Moutakabber. Kabber. On a un Moutakabber. Orgueilleux. Moutakabber, c'est-à-dire quoi ? C'est pas le diminutif. C'est quoi le diminutif de Abou ? Obey. Il nous reste la dernière, c'est quoi ? Moudaf, il a rire, il y a Al-Mutakallim. Voilà, c'est ça que tu voulais ? Voilà. T'as vu ? C'est-à-dire là, il a répété les quatre conditions. C'est-à-dire, on les a. À partir de là, qu'on a les quatre conditions, on peut dire quoi ? Abouna, Abouhum, Abouka. Mufoum ? Et le Damir, on a dit quoi ? Barakallahu fikoum. C'est pas spécialement que pour Abouka, Abouka, Akhouka. Là, à partir du moment où il y a les quatre conditions, le moudaf, il est, c'est-à-dire le damir, il peut être quoi ? Ça veut dire raib, mutakallim, ou mukhatab. Mutakallim khata, excusez-moi. Mukhatab ou raib. Mufrad, muthanna ou jam. Ça peut être quoi ? Duel, singulier ou pluriel. Mufoum ? Hada abouka. Mufoum ? Hada abukuma. Mufoum ? Ou par exemple, Dia aboukoum. Là, je parle à quoi ? J'ai parlé à un frère, à deux frères et à plusieurs frères. Mufoum ? Dia abouhou. Il n'est pas présent. Dia abouhouma. Dia abouhoum. Tout le monde y est ? Il nous reste quoi là ? Le féminin. Dia, par exemple, abouki. Aboukouma, aboukouna. Et la même chose, le raïb. Abouha, abouhouma et abou. Hunna. Mais faut maintenant, attention, c'est pas spécialement que toujours Abouka, Akhouka, Fouka. C'est compris ça ? Sauf le Ya al-Mutakallim. C'est compris ça, Inch'Allah ? Comment ? Abouna. Abouna pour le Djam, mais pas le Ya. Mais faut Abouna, Ahsanta, Mohamed. Abouna, on peut le dire. Hein ? Et que ce soit masculin ou féminin. Mais si c'est le Ya, tu dis pas. Si ce sera le yon, on dira quoi ? Andek ? Comment tout ça ? Non. Taïb ? Au suivant ? Très bien. Hadi siyaratu li abina. Au suivant ? La. Araïta. Abana. Abana. Non. Suivant. Aïna zahaba abouka ya Fatima. Taïba, t'as dit Aïna zahaba abouka ya Fatima, c'est bon ? Abouki, hein ? Taïb ? Tu parles à Fatima. Au suivant. Mata kharaja abouka ya Ali. Très bien. Is'ali abaki ya Zainab. Très bien, mon chanel. Is'ali abaki ya Zainab. Au suivant. Ana a'rifu. نعم يا بلال كتبت رسالة إلى أبيك نعم لا رسالة كتبت رسالة رسالة إلى أبيك رسالة إلى نكرة يا بلال كتبت رسالة إلى أبيك سمعت أن أباها طبيب مشهور نعم كل من ذا comprend إن شاء الله طيب املا الاماكن الخاليه باخ لو ميم اكزرسيس مي افيك اخ نعم اين اخوك يا سلمى Ça toi de compléter. Ah ouais. S'il n'y a pas le ha, tu peux pas le faire. Où est la voix? Kharaja. Ça se dit pas ça? Ça? Ça sonne pas. Hein. C'est bizarre. Akhoua, pourquoi il y a pas de mal? Bah ouais, elle a un frère, non? Eh bien, des frères ici, ils ont peut-être une sœur ou. Akhouha! Allah yidik. Kharaja akhouha ma. Akhouka. Ma akhouka, là, ma akhika. Ah ouais. Barakallahu fik. Et s'il n'y avait pas le ha, qu'est-ce que t'aurais dit? Le même exemple, sans le ha. Kharaja akhoun ma akhika. Voilà, tu vois ça, c'est. Pourtant, je vous ai fait là, c'est-à-dire le tambi, la remarque que ah, ab, c'est pas forcément toujours avec abouka, abouka, akhouka, là. Vous voyez ? Kharaja akhouha ma akhika. Vous voyez, madame ? Taïb. Au suivant. Akhouta al-fariyalin. Akhattu. Akhattu al-fariyalin min akhika. Alpha. ألف ريال من أخيك. très bien أحسن أخذت ألف ريال من أخيك. أظن أن أخا طالب. bien ضمير. أظن أن أخاه طالب. très bien ما شاء الله. أبحث عن أبيك. عن أخيك. عن أخيك. tout le monde a compris inshallah. c'est compris hein. Wahbi, Abdelhamid, tout le monde a compris, Inch'Allah ? Ça va, c'est simple, hein ? Mais ça, c'est important. Hein ? Pour pas, maintenant tu seras, comment utiliser Al-Asma, Al-Khamsa. Inch'Allah, plus tard, il y en a, ils ont rajouté un. Mais Al-Asma, Al-Setta, ils appellent Taïb. Ilahuna, Inch'Allah. Apprenez bien les conditions, les frères.